Vous êtes à l'antenne de CKRL 89,1 et Futur Simple se poursuit. Vous êtes peut-être de ces personnes. Vous vous réveillez plusieurs fois durant la nuit. Vous avez des accès de ronflement. Votre sommeil n'est peut-être pas réparateur. Vous êtes fatigué dans la journée. Êtes-vous sûr de ne pas souffrir d'apnée du sommeil? C'est le sujet de notre chroniqueuse, Morgane Lemasson. Bonjour, Morgane. Bonjour. Et donc, pour parler de ce trouble qui peut avoir des conséquences importantes sur notre vie, Madame Morgane Lemasson reçoit le docteur Frédéric Sériès, pneumologue et responsable du laboratoire du sommeil à l'hôpital Laval à Québec. Bonjour docteur Sériès, bienvenue à Futur Simple. Merci beaucoup. Pouvez-vous déjà nous expliquer ce qu'est l'apnée du sommeil? J'imagine que c'est le fait d'arrêter de respirer, l'apnée, pendant le sommeil, c'est ça? C'est ça, la définition apnée, c'est donc arrêt respiratoire. Et par définition, ça ne survient que lorsqu'on dort. Donc d'accord. Ce sont des arrêts respiratoires répétés pendant la nuit. Des longues? Ça peut être très long. En fait, les normes qu'on utilise pour définir les anomalies respiratoires, classiquement, c'est au moins 10 secondes. Donc, c'est 10 secondes et plus. D'accord. Ça peut atteindre une minute et demie, deux minutes ah, oui. dans certains cas. Ouais. Donc, c'est très problématique. Est-ce qu'on connaît les causes? Les causes sont multiples. En fait, je pense qu'il faut dissocier deux types d'anomalies respiratoires. Il y a des anomalies respiratoires qu'on dit obstructives, c'est-à-dire que les personnes arrêtent de respirer parce qu'il y a une obstruction qui survient au niveau des tissus de la gorge. Donc l'arrêt respiratoire se fait parce qu'il n'y a plus de possibilité de l'air circule. L'autre anomalie respiratoire qui peut être source d'apnée, c'est des arrêts respiratoires où le sujet ne respire pas parce qu'il n'y a plus d'effort respiratoire. Comme ce qu'on peut faire à l'éveil, on arrête de respirer spontanément. D'accord. Ça, c'est une possibilité aussi. La plupart du temps, ce sont des anomalies respiratoires obstructives liées à une fermeture des tissus de la gorge qu'on observe. Mais ça peut être aussi, dans certains cas, une association entre les différents types d'apnée. Mais quand vous dites obstructive, c'est les gens respirent normalement durant la journée. Comment ça se Absolument. Fait que... C'est strictement lié au sommeil parce que ce qui se passe, c'est que quand vous êtes réveillé, le tonus musculaire est plus élevé. Et sitôt qu'on tombe endormi, le tonus musculaire diminue. Et chez le sujet apnéique, le maintien de l'ouverture des tissus de la gorge est lié au fait qu'ils ont un tonus musculaire à l'éveil qui est plus élevé. Donc en tombant endormi, ce tonus diminue et il y a une fermeture des voies aériennes. Ça ne peut pas survenir quand les gens sont réveillés. C'est impossible de le recréer en dehors de manipulations de recherche qu'on peut effectuer. Et le tonus musculaire chute énormément pendant la phase de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. C'est la période où on rêve. Est-ce que les apnées du sommeil arrivent à ce moment-là? En fait, elles surviennent, c'est un sujet typique, elles vont survenir sitôt que le sujet s'endort. Ah, d'accord. Par contre, il peut y avoir une variation, soit en fréquence, soit en durée des anomalies respiratoires en fonction du stade de sommeil, et en particulier dans ce stade de sommeil que vous mentionnez, le stade de sommeil paradoxal ou REM. Mmh. Les apnées sont souvent dites beaucoup plus longues et s'associant à des phénomènes de manque d'oxygène beaucoup plus marqués. D'accord. Donc, les conséquences, en fait, elles sont multiples. Une des conséquences, c'est qu'on n'aura plus d'oxygénation du cerveau, c'est ça? Dans des cas, les cas les plus sévères. En fait, le manque d'oxygène, il est déterminé par plusieurs paramètres physiologiques, mais pour une durée d'apnée donnée, plus mettons la personne a un problème respiratoire, mettons une bronchite chronique ou une insuffisance respiratoire, ou s'il y a des problèmes au niveau fonction pulmonaire, ou qu'il y a une obésité, mettons, ces circonstances-là vont faire que le sujet va avoir plus de manque d'oxygène suite à une apnée. Mais on voit des personnes qui font des apnées prolongées, mais parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas d'excès de poids, ils n'ont pas de problème pulmonaire, ils vont pour ainsi dire pas manquer d'oxygène. Par contre, il va y avoir une conséquence importante qui est les répercussions au niveau du sommeil lui-même. Parce que dans le cas d'une obstruction au niveau de la gorge, le seul moyen que l'organisme a de faire reprendre la respiration, c'est de créer un petit réveil au niveau du cerveau. Et ce réveil va réaugmenter le tonus musculaire et donc l'ouverture de la gorge. Donc la respiration va reprendre, l'oxygénation va remonter si elle était un petit peu baissée, et le sujet va retomber endormi, puis la boucle peut se boucler, l'apnée peut survenir. Par contre, quand on parle de petits réveils comme ça, ce sont des réveils qui sont non conscients. qu'on observe uniquement lorsqu'on fait les enregistrements en laboratoire de sommeil. D'accord. Donc, en fait, les conséquences de cette maladie, ça va être des conséquences plus d'un manque de sommeil, dépression, fatigue, ronflement aussi, dû à l'obstruction ou au réveil d'un coup. Le ronflement, en fait, c'est une vibration des tissus de la gorge qui est une obstruction incomplète. Le sujet peut effectivement, lui, se réveiller la nuit à l'occasion du fait d'impression d'étouffement, mais c'est pas la plupart des cas. La plupart du temps, en fait, ce sont les personnes de l'entourage qui observent des arrêts respiratoires. Mais dans certains cas, personne n'est là pour l'authentifier. Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui, classiquement, se réveillent plusieurs fois par nuit sans raison particulière et se réveillent surtout avec une impression de sommeil non réparateur. Classiquement, ils sont aussi fatigués quand ils se réveillent le matin qu'ils sont couchés le soir. Et ils traînent dans la journée cette fatigue, cette somnolence. Ils sont toujours en train de lutter contre le sommeil, principalement dans les moments où ils ne sont pas stimulés assez. Quand vous êtes en train de travailler manuellement, vous n'aurez pas de problème. Si vous vous arrêtez, que vous lisez, vous conduisez, vous travaillez à l'ordinateur, vous faites de la lecture prolongée, c'est là où ce travail répétitif va s'accompagner plus de troubles de l'attention. C'est étonnant parce que beaucoup de monde donc pourrait être atteint par cette maladie. Enfin, oui, parce que ces conséquences-là, on les voit un peu partout. Est-ce que vous connaissez la prépondérance de la maladie au Québec? Il n'y a pas eu d'études qui a été faite spécifiquement au Québec ou au Canada. Il y a des études qui datent maintenant d'une dizaine d'années qui font état que le problème d'apnée du sommeil, indépendamment des symptômes le jour, serait présent chez 24% de la population masculine et 9% de la population féminine. Il faut prendre ces chiffres-là avec une certaine réserve parce qu'elles datent maintenant de 10 ans. Et depuis 10 ans, il y a une chose majeure qui est survenue, c'est l'augmentation pondérale dans la population en général. Et on sait que l'excès de poids contribue beaucoup aux anomalies respiratoires. Donc on pense que ces chiffres-là sous-estiment très largement la prévalence d'apnée du sommeil dans la population. D'accord. Et donc, en fait, c'est aussi l'obésité est un facteur de risque, mais j'imagine l'alcool, le tabac. Tout à fait. Il y a des circonstances qui vont favoriser, en plus de l'excès de poids, qui sont effectivement la prise de boissons alcoolisées, la prise de médications qui sont dépressives respiratoires. Je vous dirais, actuellement, on a un gros problème avec les prises de médications narcotiques, qui sont de plus en plus données comme antidouleurs. Antidouleurs, bah, et qui s'accompagnent de troubles respiratoires au cours du sommeil absolument dramatique. Donc, des décontractants musculaires. Décontractants, on le sait que ça peut donner aussi de la somnolence comme effet secondaire. D'autres circonstances comme l'obstruction nasale, le fait de faire un rhume particulièrement, peut à certaines périodes majorer la survenue d'apnée du sommeil. Mais il faut se méfier aussi des stéréotypes de l'obésité parce que on voit des sujets qui n'ont pas d'excès de poids. Et particulièrement chez la femme, et qui font authentiquement de l'apnée du sommeil. Donc, au niveau, je dirais, de l'enseignement dans la population, puis au niveau des médecins généralistes, le message est bien passé que obésité, attention à l'apnée chez un sujet ronfleur qui est hypertendu, qui est diabétique, qui est somnolent dans le jour. Ça, c'est assez bien passé. Par contre, chez le sujet qui n'a pas d'excès de poids, il faut vraiment aussi penser à l'apnée dans les circonstances que je viens de mentionner, parce que obésité n'est pas égale à apnée. D'accord. Et vous venez de citer le diabète. Le diabète est un facteur de risque aussi? Oui. La prévalence d'apnée du sommeil chez les sujets, on parle des diabètes de type 2, donc les diabètes de diabète qu'on dit gras, entre guillemets, là, pas le diabète de type 1 qui est plutôt d'origine génétique. La prévalence d'apnée du sommeil serait de 70% dans cette population-là. Ah, oui. Et le fait de traiter l'apnée du sommeil, on sait que ça aide à équilibrer le diabète. Ah oui. C'est la même chose chez les sujets hypertendus, en particulier chez les sujets qui ont une hypertension artérielle réfractaire. Donc des sujets qui ont une hypertension artérielle souvent qui n'est pas sensible au traitement médicamenteux. La prévalence d'apnée du sommeil est de l'ordre de 80% dans ces populations-là. Et quand on traite l'apnée du sommeil, on aide à équilibrer, à traiter leur hypertension. La même chose dans l'insuffisance cardiaque. Ah oui. Donc l'apnée du sommeil est fréquente en particulier quand il y a des désordres en particulier cardio-métaboliques. Et quand on traite ce problème respiratoire, on améliore cette condition cardio-métabolique. Ah oui. Et jusqu'à maintenant, pour diagnostiquer l'apnée du sommeil, on est obligé de faire des tests durant le sommeil. Absolument. Donc, il y a quelque temps, il fallait aller à l'hôpital pour détecter ça. Donc, j'imagine que bientôt, on va s'apercevoir qu'énormément de monde sont atteints d'apnée du sommeil. Ah, il y a énormément de monde qui est atteint du sommeil, oui. Parce que si on prend, bon, écoutez, le laboratoire qu'on a ici à l'ICPQ a ouvert il y a 26 ans, le symptôme principal, on cherchait les gens somnolents. Maintenant, on va chercher les gens qui ont aussi des contextes en termes de morbidité, d'hypertension, diabète, etc., qui sont plus à risque aussi. Donc ça augmente beaucoup la population qui est investiguée. Ce faisant, il y a eu quand même beaucoup de développement au niveau technologique qui font que maintenant, je dirais 75% des diagnostics sont faits avec des enregistrements qui se font à la maison. Donc avec des enregistrements abrégés, on ne fait pas le même type d'enregistrement qu'on fait à l'hôpital, mais la plupart des cas, on fait le diagnostic à la maison. Et justement, à propos de diagnostic, votre équipe et vous-même avez mis en place une nouvelle méthode permettant d'étudier cette maladie, mais chez la personne éveillée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, ben, en fait, c'est basé du simple contexte, comme je disais tantôt, l'apnée survient au cours du sommeil, l'apnée obstructive, parce qu'il n'y a plus de tonus au niveau des muscles des voies aériennes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une technique qui est très particulière, qui nous permet de stimuler les nerfs qui font contracter le diaphragme, donc les nerfs phréniques. Donc, on stimule ces nerfs en dehors du contrôle du sujet. Donc, on peut stimuler ces nerfs-là lorsque le sujet expire. Et quand le sujet expire, par définition, les muscles de la gorge ne sont pas stimulés. Donc, on crée une contraction diaphragmatique comme une inspiration, alors que le sujet, lui, son tonus musculaire n'est pas adapté pour ça. Donc, on crée une obstruction et on est capable, chez les sujets tout à fait normaux, de reproduire à l'éveil cette obstruction qu'on observe au cours du sommeil. Et on l'observe chez le sujet normal, on l'observe de manière beaucoup plus marquée chez le sujet apnéique aussi. D'accord. Est-ce que vous utilisez déjà cette méthode ou c'est vraiment... On l'utilise. Alors, bon, je dirais, point de vue diagnostique, l'apport est pas forcément énorme. Par contre, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est qu'il peut y avoir des applications dans la détermination des sujets qui seraient de meilleurs candidats à des traitements particuliers. D'accord. Parce que, bon, il y a plusieurs formes de traitements qui sont pas des traitements pharmacologiques. Il n'y a pas de traitement avec des pilules qui marchent. Il y a des traitements mécaniques. En particulier, ce qui se développe beaucoup, c'est des traitements avec ce qu'on appelle une orthèse d'avancement mandibulaire, donc des appareils dentaires que les sujets portent la nuit et qui peuvent prévenir l'obstruction au niveau de la gorge. Oui. Le problème, c'est qu'un appareil dentaire, ça va coûter la modique somme de 2200 à 2400 dollars et qu'on n'est pas sûr que ça marche. Okay. Donc ça fait quand même un investissement en négligeable, c'est quand même beaucoup de mal. Donc on est en train de développer, voir si la technique qu'on a développée pourrait permettre d'identifier les sujets chez qui une orthèse pourrait marcher. Donc avec un simple test qui dure à peu près une demi-heure, on serait capable d'identifier la personne en disant vous avez tant de pourcents de chance finalement que votre apnée soit corrigée si vous portez l'orthèse, ou c'est pas la peine d'y penser parce que ça ne marchera pas. Donc ça, il y a des applications pratiques qui pourraient être très intéressantes. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Frédéric Serriès, pour nous avoir parlé de l'apnée du sommeil. Et puis, bienvenue pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, ben, merci beaucoup, Morgane, et merci beaucoup, Dr Serriès, pour cet entretien. C'est vrai, fort instructif sur l'apnée du sommeil. Et souhaitons que vos recherches rendent le sommeil aux personnes qui souffrent de cette apnée du sommeil. Et puis quant à nous, on ne va pas s'endormir, pas maintenant en tout cas. On fait juste une pause musicale et on vous revient pour vous parler de la conférence de Durban sur les changements climatiques. Vous êtes sur CKRL au 89,1.